T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Okay, let's see. You know, we'll see this on Wesley. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Cullen. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Et oui, Planète Indie, ça commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre rendez-vous mensuel. Chaque premier samedi du mois, c'est Planète Indie entre 17h et 18h30. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 364. Alors évidemment, comme chaque mois, eh bien, on fera le tour de l'actualité musicale indépendante et on aura pas mal de choses et de bonnes choses à vous faire découvrir avec évidemment, comme chaque mois, des nouveautés, des groupes et des artistes que vous n'avez encore jamais entendus chez nous, comme par exemple White Horse, on va commencer avec eux, comme Mathieu Alpin, comme Lion Calamity ou encore Mitchell Coleman Jr. Et donc, comme je vous le disais il y a quelques secondes, eh bien, commençons tout de suite avec le groupe White Horse. Cet extrait de leur tout nouvel album qui s'appelle Leave No Bridge Unburned. On va écouter le morceau numéro 7, The One I Heard. Et puis après, on écoutera les Grand Ole Grizzly avec Piltdown Hawks. Restez bien branchés, ne changez rien, nous sommes ensemble jusque 18h30. I break for the hand of misery, I break for the one I hurt. what's on my mind. A million mountains I was unaware I had to climb. An absent prayer invokes another built-down hoax. Lines on a face only I could provoke. This road ends in a blood-red sky. I can see her lips moving, her hands down around her thigh. Another lesson learned. High traffic, bridges burn. Lines on her face I don't think I've earned. And you won't see me tonight. You might not see me again. And in the end they brought us in. We watched her explode. The ringless pride crawled back inside. The hard parts letting go. Footprint man just as far as the eye can see. Calling off phosphorescence bright up the night in essence. Shed a little light so we can turn off all this nonsense. You won't see me tonight. You might not see me again. Concrete sides, lines on her face, Ah, si vous aimez la guitare, vous avez été servi, hein. À l'instant, c'était le groupe Bright Garden et le morceau Sweet Life. Je pense qu'on ne les a pas encore entendus dans cette émission. Ceux qu'on va écouter maintenant, on les a découverts le mois dernier et ils vont revenir un peu plus tard parce qu'on vous propose et qu'on vous prépare un petit truc sympa en leur compagnie. Les régionaux de l'étape, ils sont originaires d'Atu, ils s'appellent Les As-tu vus. Un album concept qui tourne autour, eh bien, de la Première Guerre mondiale. On en a déjà parlé le mois dernier, on en reparlera encore probablement plus longuement le mois prochain si eh bien, tout s'arrange comme on le voudrait. Parole d'un poilu, c'est le titre de ce morceau. Et puis après on écoutera un instrumental de B.O.B. Jones, c'est un peu plus jazzy on va dire, avec le morceau Reckless. Une pluie de bombe. Ma superbe et fraîche blonde, je pense très fort à toi. Tu es si loin de moi. Hier sur le front humide, tué par une balle timide, mon binôme est tombé. Balle volontaire ou égarée, tant de morts pour rien, dans des combats incertains, dans ces tranchées boueuses, la victoire est douteuse. C'est l'histoire d'un poilu, d'un homme fragile et abattu, qui voulait revoir sa belle. Sa dernière pensée fut pour elle. Dernière lettre d'un poilu, d'un homme fragile et abattu, qui rêvait d'une vie nouvelle, sans gloire et sans appel. Ma chérie, je dois te laisser. L'assaut va être donné. J'espère un jour te revoir. Ce serait ma plus belle victoire. Dernière lettre d'un poilu. Il était, mais il n'est plus. Il voulait revoir sa belle. Son dernier souffle fut pour elle. Dernière lettre d'un poilu. Il était, mais il n'est plus. Il voulait revoir sa belle. Elle sera pour lui éternelle. Hello, I'm Albrecht Maurer from Trio Hot, and you are listening to Planet Indie. We'll be right back. C'est une ambiance un peu plus jazzy, désolé pour les petites interférences, il semblerait que la table de mixage fasse un peu des siennes. Mais bon, donc c'était B.O.B. Jones avec Reckless. 17h22, il est grand temps de passer à la découverte de notre album Powerplay. Et aujourd'hui, ce sera de la musique électronique. Et bah oui, on ne va pas souvent de ce côté-là, en tout cas du côté des Powerplay, mais une fois n'est pas coutume, pourquoi pas. Et vous connaissez certainement Jean-Michel Jarre, et bien un de ses contemporains, puisqu'il est né et sa carrière est pratiquement en parallèle de celle de Jean-Michel Jarre. Je veux parler de Zanov, alias Pierre Salkasanov, qui est né à Paris en 1947. Ouais, oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du gaillard ? Eh bien, il a commencé à jouer au piano à l'âge de 6 ans, mais de la façon la plus traditionnelle, c'est-à-dire en reproduisant les sons qui étaient inscrits sur les partitions. Et c'est un peu comme Jean-Michel Jarre, hein, si vous regardez sa biographie, c'est un peu la même façon, et ça ne lui plaisait pas du tout, mais pas du tout. Il s'est fait taper sur les doigts assez fréquemment par son maître d'instrument, et quand il réussissait à faire quelque chose de bien, eh bien, il recevait quoi ? Eh bien, un peu de chocolat. Oui, c'était déjà les récompenses. Ça marchait déjà comme ça. Alors, la conséquence, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il a appris à détester à jouer du piano, ce qui fait qu'à l'âge de 17 ans, eh bien, il s'est acheté sa première guitare électrique. Il a appris tout seul à jouer de la guitare électrique. Et puis, ça l'a embêté, mais royalement. Lui, ce qu'il cherchait, c'était des sons différents, des sons plus variés. Et c'est là qu'intervient la musique électronique. On est en 1973 et l'ami Pierre, il n'est pas encore conscient de l'existence des synthétiseurs et il entre à l'école supérieure pour devenir ingénieur électronicien. Et finalement, il a fait sa carrière professionnelle dans ce monde-là. En 1975, eh bien, il travaillait pour Bull, la firme Bull. Je ne sais même pas si elle existe encore, cette firme française. Enfin bref, il est envoyé à Londres pour un séjour professionnel. Et puis il rencontre un de ses compatriotes qui s'appelle Serge Ramsès et qui va lui faire découvrir le monde fascinant des synthétiseurs. À cette époque, eh bien, donc, il rentre à la maison après son séjour et il s'achète son premier synthétiseur, un VCS3. Ben, un synthétiseur mythique à l'époque. Revenons à notre époque avec la nouvelle production de Zanov, ça s'appelle Virtual Future, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure dans la suite de son histoire, va-t-on dire. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, et on en écoute la plage d'ouverture, elle est très longue, hein, les musiques électroniques c'est souvent assez long, elle dure pratiquement 10 minutes, ça s'appelle Very Far. Restez avec nous, vous écoutez Planet Indie comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Et c'est notre powerplay aujourd'hui, Zanov avec son label avec son album Virtual Future. Powerplay. Powerplay. We'll be right back. On peut pas tout écouter malheureusement en entier. Je vous l'ai dit, ce morceau fait pas loin de 10 minutes. Je vous rappelle, c'est l'album Virtual Future. C'est notre powerplay, c'est Zanov. On l'écoutera encore deux fois d'ici la fin de cette émission. Et mettez-vous bien en tête que eh bien, cet album a mis 35 ans. Ce qu'on écoute, c'est le résultat de ces dernières 35 années. Vous comprendrez pourquoi je vous dis cela tout à l'heure. D'électronique à électrique, eh bien, il n'y a que quelques lettres de différence. Et donc on va écouter Jupiter in Velvet avec un extrait de son tout dernier album aussi, The World Didn't Start With You. Et le morceau s'appelle Turning Electric. Et puis après cela, on écoutera les Illuminés de Talia Svan and the Bright and Morning Star Band avec The Father of Your Moment. Hey, what's up? This is Jupiter in Velvet coming at you on Planet Indie. Looking right through you with the neon sign. Rebellion has lessened your stay. You got the solution of your evolution. Self-assertion has shown you the way. You live for the dollar, can't hear the true collar, and Jezebel is playing your tune. You're cold as ice, cause you're caught in the vice, awaiting the howl of the moon. The father of your moment, the mother of the day, the keeper of your secrets, and the peace beside the bay, the ticket to the future, the eyes of each sunset, the travel friend of paradise, Romeo or Juliet, the smell of each new morning, the rest of a lonely night, the pillow for the leaf, the courage for the fight, yeah, yeah, yeah. Si c'est un combo d'artistes ou quoi, enfin ça s'appelle Talia Svan and the Bright and Morning Star Band. Je vous disais qu'ils avaient l'air un peu illuminés, c'est parce que sur la photo de la pochette du CD ils sont tous habillés de la même façon, tous en blanc avec, enfin on dirait un peu une secte, un peu ils ont vraiment l'air illuminés, enfin bon, leur musique n'est pas si mal que ça. The Father of Your Moment, c'est le morceau qu'on écoutait à l'instant. Et puis pour poursuivre en musique, on va aller du côté d'Israël. Et c'est vrai qu'on voyage pas mal, on était en Belgique, on était à Tours, on était aux États-Unis. On était en France avec Zanov, on va aller du côté d'Israël avec Noria et puis le morceau Volcanic You. Et puis après, on continue notre périple, on ira du côté de la Russie avec My Washing Machine et le morceau Heart. Volcanic, you keep it all inside. Rivers of fire. jusqu'à la dernière note My Washing Machine, un groupe germano-russe. On les écoutait avec Heart et puis avant cela, Noria, les Israéliens de Noria, avec Volcanic You. Retournons, si vous le voulez bien, sur notre album Powerplay, l'album d'un des pionniers de la musique électronique, en tout cas en France, Pierre Salkazanov, alias Zanov dans le monde musical. On s'était quitté tout à l'heure dans l'histoire de sa vie, au moment où il avait acheté son premier synthétiseur. Eh bien, on peut dire que cet instrument lui a permis de se libérer des contraintes, en fait, de la musique conventionnelle. Il a d'ailleurs tellement apprécié ce synthétiseur que eh bien, la photo de celui-ci se trouve sur la couverture de son premier album Green Ray. Pierre Salkazanov voulait aussi devenir maîtriser les techniques musicales pour pouvoir jouer de façon complètement fluide. Mais cependant, bon, comme je vous l'ai dit, il travaillait comme ingénieur informaticien chez Bull et donc ça demandait énormément de temps à côté de ses obligations professionnelles. Bon, finalement, il a quand même réussi à sortir donc ce premier album Green Ray en 1977. Ce n'est qu'un an après la sortie du premier album Oxygène de Jean-Michel Jarre. Donc vous voyez, ils sont vraiment très contemporains. Et puis dans la foulée, eh bien, il a sorti un deuxième album fin 1977 aussi, un album qui s'intitulait Moebius 256-301, allez savoir pourquoi. Et au niveau de la scène, eh bien, on ne peut pas dire que ça lui prenait énormément de temps parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il a joué 10 concerts en 1977 et un seul en 1978. Voilà, en 79, eh bien, il commence à travailler sur son album suivant qu'il a décidé d'appeler, qu'il appellera In Course of Time. Et il n'était jusque-là jamais satisfait du résultat qu'il a obtenu, ce qui fait qu'il a repoussé aux années 80 eh bien, la sortie de cet album, puisqu'il était occupé à d'autres choses, notamment donc au niveau professionnel. Et puis à côté de ça, eh bien, sa vie privée se développer aussi. Il a eu un enfant et donc il n'avait plus de temps du tout, mais alors là, plus vraiment du tout consacrer à la musique. Donc il s'est dit, ben voilà, je fais un break de la musique, mais je me promets une chose, c'est de reprendre quand j'en aurai le temps, c'est-à-dire quand je serai pensionné. Voilà, je vous propose d'arrêter là pour l'histoire. On la reprendra tout à l'heure, on va laisser un peu de suspense. Hein. Et on va écouter un second morceau. Alors celui-ci s'appelle Conscience in Danger. C'est toujours extrait donc cet album Virtual Future de Zanov. Je vous ai mis aussi une vidéo sur la page Facebook de Planet Indie. Je vous ai mis la vidéo de Final Cut, c'est le morceau qu'on écoutera tout à l'heure en fin d'émission. Pour l'heure, donc, on écoute Conscience in Danger, c'est toujours extrait de notre Powerplay Zanov, aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. We'll be right back. My name is Matt from the band Yuka, and you are listening to Planet Indie. I'm sad on the plane, being who I wanna be, the perfect stranger, friendly fool, avoiding all conflicts, nothing to show, leaving you behind is the hardest thing I know, but I'll never forget your face, I'll never forget this place. When trouble's left behind, you want to find never ending now until you hit the ground. You smell that new grass, the adventure begins. Making new friends on hurricane winds, but I will never forget your face. I will never forget this place. I caught the butterfly, broken wings. I tried to fix him up, but he can't stay still. So I had to let him go to find another one without this heart of snow. But I will never forget your face. I will never forget this place. And how I'll never. Et bien voilà, à l'instant dans les oreilles, c'était le groupe ODI qui nous emmenait du côté de Mariposa. Et puis celui qui va nous libérer, si vous vous endormiez, eh bien ça va vous réveiller un peu. Mitchell Coleman Jr. avec le morceau Liberation, un style un peu différent, vous allez voir. We'll be right back. nothing left that's mine. And even though it's not poetic, it feels good to be alive. I'm happy to only be still breathing, thoughts telling me I'm fine. And I send pictures of my dick to some girl who lives in London. Used to be here, now she's gone. And I never knew how much I'd miss her till all I get is dodgy photographs through the phone. C'est vrai, j'avoue, aujourd'hui, on part vraiment dans tous les sens, dans toutes les directions. Ça a l'air un peu décousu, mais pourquoi pas une fois de temps en temps faire un peu style pot-pourri musical. Eh bien, on poursuit l'aventure. Nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusque 18h30, comme chaque premier samedi du mois. Et puis, j'en profite aussi pour vous signaler, premièrement, que notre fréquence a changé. Nous sommes maintenant diffusés sur le 96.6 FM. Je vous signale que cette émission Planète Indie sera rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Et puis que vous pourrez aussi retrouver le podcast de l'émission très rapidement sur notre site internet. Donc vous tapez Planète Indie dans Google. Et puis, eh bien, il n'y a pas de souci, vous arriverez directement chez nous. Une autre nouveauté à vous proposer maintenant, il s'appelle Mathieu Alpin et il est fou de vous. Crazy about you. I like the subtleties of your lips when they come together. And the elegance of your legs as they walk on by. You don't know how you make me feel, and you're no stranger. But lady, when you're by my side, I can't believe you're by my side. Baby, you stimulate all my sensations. Sex is not something I tend to ignore. Let's hold high. hands or just touch each other's fingers. I can't get you out of my head, you're a virus in my mind. I'm crazy, crazy about you. I'm the man on the moon waving at you with the fishbowl over his head. I'm crazy, crazy about you. Mathieu Alépine avec Crazy About You. Retournons, si vous le voulez bien, pour la troisième et dernière fois ce soir sur notre Powerplay, notre album Powerplay, celui de Zanov. On s'était quitté tout à l'heure avec la promesse qu'il s'était faite qu'il retournerait à la musique quand il aurait un peu plus de temps. Eh bien, il a fallu attendre 30 à 35 ans pour qu'il puisse tenir cette promesse, puisque eh bien, en 2013, Pierre a pris sa retraite, donc il a pu se replonger un peu dans ses instruments, et puis il a redécouvert notamment les enregistrements de son album qu'il avait laissé un peu de côté, un album donc qui n'a jamais été publié, qui devait s'appeler « Nous reprenons notre avenir ». Pardon. Il a fait des remixes et à l'époque il voulait travailler notamment sur la voix. C'était l'évolution qu'il avait donnée dans ses pérégrinations musicales. Et puis finalement il a abandonné les morceaux de voix. Il a retravaillé simplement la musique et les compositions. Il a passé des heures et des heures à faire le mixage final. C'est un peu différent de ce qu'il avait conçu à l'époque, mais c'est voilà pourquoi je vous disais que cet album était le fruit de 30 à 35 années de travail. Le résultat, il l'a renommé en Virtual Future. Ça sonnait peut-être un peu mieux que Nous reprenons notre avenir. Je vous ai mis la vidéo du morceau. The Final Cut, on pourrait appeler ça le morceau de fin, bah oui, puisque c'est le morceau qui termine l'album. Il y a 7 morceaux, il y en a pour à peu près une bonne heure de musique. Donc la vidéo de ce morceau est sur notre page Facebook. Eh bien, je vous propose de l'écouter. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle son nom, c'est Zanov. Son site internet www.zanov.net, Z-A-N-O-V.net. Et nous, on écoute donc le final cut extrait de l'album Virtual Future. C'était notre power play aujourd'hui dans Planète Indie. Power play. Power play. I wanna hug it out. Please. nous ramène un peu du côté des années 80. Ça sonne vraiment comme Foreigner, mais non, c'était le groupe Dream Alive et le morceau Away From You. On va passer en vitesse en revue la programmation de la Rockal d'ici les prochains jours. Alors, le 25 septembre, Steven Wilson. Notez aussi que le spectacle Monaco ou les Amants du Rocher, eh bien, s'est annulé. Le 26 septembre, Austin. Le 27, The Skint. Le 28, Odyssey. Et le 30, le festival Greetings from Scandinavia. Le 2 octobre, Sacha Grammel. Mais il n'y a plus de tickets. Bah voilà, c'est réglé. Et puis, notez aussi que le concert de Nickelback du 10 octobre est annulé. Voilà, voilà, voilà. On poursuit en musique et on termine la playlist de ce soir avec Peter Bletchley, Love is Eternal. L'amour est éternel. Et puis après, ce sera les déjantés japonais de SMMP avec Doucit. Mysteries are all solved, and that's all that we know. Let it go, when the darkness is light, and the lightness will carry you through. Fathers and sisters and brothers, sons and the daughters and grandchildren too. Embrace what you have and mourn what you lose. Love is eternal and so are you. Let it go, let it fly with your soul. The mysteries are all solved and that's all that we know. Let it go in the dark. Hi, my name is Audra. And I'm Pat. We're Chaser 8, and you're listening to Planet Indie. Why am I drawn to you? Why am I drawn to you? I saw you on the mirror, overlapped on my face. I see you. my arms. Up and down, up and down, up and down, up and down. Why does it have to be? Why does it have to be? If I analyze it, can I see the world better? Why does it have to be? Why does it have to be? All of the objects remind and line and throw up on my head and following me one after another, one after another. Ah, je vous avais prévenu hein, qu'ils étaient un peu déjantés, et ça c'est peut-être le morceau le plus accessible de leur album. Allez, je vous donne leur nom, SMMP, ça veut dire Small Mountain Pass. Ils sont japonais, ils vivent aux États-Unis, et leur album s'appelle Kigamemazu. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'ose même pas le savoir. Voilà, cette émission Planète Indie touche tout doucement à sa fin. Je vous rappelle, nous serons rediffusés demain, dimanche 6 septembre, entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Le podcast de l'émission disponible sur notre site internet. Vous tapez les Planète Indie dans Google et puis vous arrivez chez nous. Sinon, notre prochain rendez-vous, eh bien, ce sera pour le samedi 3 octobre, le premier samedi du mois. On est reparti pour la nouvelle saison comme ça, il n'y a pas de souci. Merci de nous être fidèles, merci de votre assiduité. Rendez-vous donc le 3 octobre pour de nouvelles aventures musicales. Et on se quitte avec un autre morceau, et aussi, à mon avis, il fume pas que de la moquette. Goulibop and Vnita Glanville, rien moins que ça. On écoute le morceau Straight Mix, le morceau Tell Me, et c'est le Straight Mix. Voilà, rendez-vous dans un mois, et d'ici là, eh bien, passez du bon temps. Don't treat me so night, you come first in a me future life. No other man could never come and get you tonight. We rock a muffin gully bop on me pandemic mic. It's like, what you know? Tell me, what you know? Tell me, do you love me? Love you, baby. Tell me, do you love me? Because of me, send me love you, one of them get jealous. jealous. Now to me know say you me love your boss. When last year can't you buy me shoes and a shirt, and this year I come, she gonna nice me up. She buy me champagne and give me cold duck. And this what she say, no man can come touch. That's how me get me know, golly back dangerous. And I'm me pan the mic and we must match it up. It's like, but every night before I lay myself to bed, great emotion of